Bonjour, je m'appelle Valentine Sébille et je défends les droits humains à mon échelle, avec certaines contraintes et limites comme beaucoup de personnes, mais avec le confort et les privilèges de vivre dans un pays où les droits humains sont encore globalement respectés, bien qu'il y ait aussi des problèmes. Je ne sais pas si je pourrais parler d'un moment en particulier qui m'est motivée. Je pense que depuis toute petite, ma vie a été jalonnée de rencontres, de moments où j'ai été, on va dire, sensibilisée à la lutte pour les droits humains, que ce soit au travers des récits de peuples autochtones dans la lutte pour leurs droits, mais aussi les femmes de mon entourage ou des personnalités plus célèbres qui se sont mobilisées pour le droit l'accès aux droits sexuels et reproductifs ou encore évidemment la lutte pour la défense de l'environnement et contre le réchauffement, la crise climatique, on va dire. Donc en fait, ma vie a toujours été marquée par des récits, par des rencontres avec des personnes qui se sont engagées et qui, elles, ont pris beaucoup plus de risques que moi. Pour revendiquer ces droits humains pour elles et surtout pour leur communauté, pour les gens qui les entouraient. Et c'est donc ça qui a marqué évidemment mon engagement. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance par mon travail de rencontrer de grands défenseurs et défenseuses des droits humains. Je pense à Feliciano Reina au Venezuela, à Lolita Chavez au Guatemala. Je pense à beaucoup, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et dont le parcours à César Estrada au Pérou, pour ne nommer qu'eux, mais qui ont vécu au quotidien et qui vivent au quotidien leur engagement, qui parfois ont dû en payer le prix fort dans des environnements hostiles à la défense des droits humains. Et évidemment, ces rencontres ont renforcé mon engagement et m'ont donné envie de contribuer à leur lutte, que de toute façon, la lutte pour les droits humains, elle ne peut être que collective. Chacun dans son coin, on ne peut pas arriver à grand-chose. Donc, je pense que c'est surtout ça qui a marqué mon engagement et qui l'a renforcé.